J'entends ce matin, quand j'arrive depuis Bruxelles, et puis que j'entends qu'il y a une de nos sœurs, là, une jeune fille qui a envie de porter le voile. Et vous savez ce qu'on dit d'elle dans la société française? On lui dit, tu es manipulée, toi. Et vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe pour cette fille? C'est qu'elle va à l'école, et puis elle trouve des responsables scolaires qui la critiquent en lui disant, tu es manipulée. Elle rentre chez elle, mais le calvaire n'est pas fini. Parce que son père, il la frappe pour qu'elle enlève le voile. Ne dites rien sur le père. On s'interdit ici dans cette salle de condamner le père. Vous savez pas ce qu'il a vécu moi. Je pense à la fille, moi. Je ne suis pas des coupables. Oh, ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh, ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Oh, ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh, ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Aucun respect pour tes valeurs, sans cesse on te fait du tort. On oublie que derrière ton corps, ton âme renferme un vrai trésor. Au plus profond de ton cœur, tu recherches respect et bonheur. Symbole de la pudeur, oublié par tant d'imposteurs, être aimé pour ses valeurs. Y a-t-il un mal dans tes idées? Être aimé pour ce que tu es, est-ce vraiment trop demandé? Recherchant sans cesse la piété, qui pourra bien t'illuminer? Tu trouveras la solution à travers les invocations. Allahumma guide nos sœurs, y a tant d'amour dans leur cœur. Allahumma guide nos sœurs, y a tant d'ennemis pour leur pudeur. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Tu as voulu te préserver pour montrer à l'humanité que ton cœur a été touché, que ta foi s'est manifestée. Tu n'as cessé de le crier pour qu'on puisse tous l'accepter. Tu as voulu te protéger, mais tu t'es senti rejeté. Alors tu as tendu tes mains pour demander du soutien. Vers le ciel tu t'es dirigé, dans les prières tu t'es confié. Tu ne cesseras d'être éprouvé pour que tu vives la vérité. Patiente à travers les doigts, Allah jamais ne t'oubliera. Allahumma guide nos sœurs, y a tant d'amour dans leur cœur. Allahumma guide nos sœurs, y a tant d'ennemis pour leur pudeur. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Je me souviens de cette sœur qui voulait puiser dans son cœur, recherchant au fond de son être de quoi faire face à toutes ses peines. Elle cherchait à s'en sortir, elle s'épuisait à survivre. Dans le silence elle s'isolait, aucune présence elle rencontrait. Ne demandant qu'à être aimée, ne supportant plus d'être jugée, s'isolant parfois pour pleurer. Ignorée, elle s'est éloignée. Maintenant il l'a rappelé, Dieu seul jugera sa destinée. Qu'avons-nous fait pour la sauver? Nos cœurs ne peuvent que la pleurer. Mais où sont passés tous ses frères? Où sont passées toutes ses sœurs? Cette force qu'elle aurait pu trouver pour l'aider à ne pas s'oublier. Allahumma guide nos sœurs, y a tant d'amour dans leur cœur. Allahumma guide nos sœurs, y a tant d'ennemis pour leur pudeur. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété.